It's a roll. Go for it. Show. Right on the radio. Oh, bitch. C'est parti là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Salut Radio Crochet. Nous sommes donc avec le réseau, enfin à l'ouest plutôt, qui fait partie du réseau Mutu. À l'ouest.info, je peux dire. Alors vas-y, dis-nous exactement comment on trouve déjà votre site internet, puisque je crois que c'est un site coopératif. Qu'est-ce que c'est du coup à l'ouest? Alors à l'ouest, c'est un site d'information et de réflexion et d'analyse et de tout ce qu'on a envie d'y mettre en fait. Et c'est un site qui n'est pas uniquement animé par un petit groupe de personnes bien définies, fermées. C'est un site qui a pour objectif de en fait, rassembler plein de personnes qui ont envie d'alimenter par ce qu'ils voient autour d'eux, ce qu'ils pensent sur le monde, les luttes dans lesquelles ils sont. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un site à publication ouverte, c'est-à-dire que quiconque peut proposer un contenu, que ce soit du texte, que ce soit de la radio, de la vidéo, enfin, en fait, on peut imaginer tous les supports possibles. Et l'idée de ce site, c'était de un peu donner la parole à des personnes qui s'organisent pour un petit peu, on va dire, bouleverser l'état des choses, bouleverser l'ordre du monde et raconter comment nous, on voit ça en dehors des médias dominants. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce nom, vite fait, juste à l'ouest? Ça a été long de choisir le nom ou pas du tout ou... Ouais, ça a été long. Je me rappelle plus pourquoi on a choisi ça, parce que pour moi, rond, c'est pas à l'ouest. Donc, j'ai toujours dit, j'ai jamais compris pourquoi. Okay. Mais, c'est un peu la réflexion qu'on nous fait tout le temps, mais c'est mais souvent, raison, du coup. La recherche de titre et de nom est toujours très compliquée, mais c'est un truc un peu drôle et parfois ça nous correspond pas mal. Et alors, les gens qui veulent participer à l'Ouest, qui veulent contribuer à l'Ouest, comment ça se passe concrètement? Si moi, je veux écrire un petit article pour vous. Alors, il y a une plateforme, comment dire? Il y a un... Aidez-moi. En fait, on crée un compte sur le site. Ok. Et ça nous permet d'accéder à une espèce d'interface d'utilisateur et d'utilisatrice, et à l'intérieur duquel on va... renseigner plusieurs champs, un titre, une introduction et le corps du texte ou un lien vers une vidéo, des choses comme ça. D'accord, donc il n'y a pas besoin d'être un gros geek de l'informatique, c'est assez facile? Pas du tout, ou... c'est très facile. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous écrire un mail et on répondra à toutes vos questions. Et on écrit un mail où alors? Comment c'est sur alouest@riseup.net. Ok. Redites-nous du coup, c'est bien https://a-l'ouest tout attaché, ouais, .info. Le tiret du 6. Tirer du 6, entendu. Et alors, ça fait combien de temps que ça existe? Comment ça s'est créé? Ça fait 3 ans que ça existe. Et quelqu'un va nous en dire plus? Non, mais je peux lire. Je proposais de lire le texte d'intention. Mm-hmm. Parce que pour publier sur Alouest, il y a quand même l'idée que ça corresponde un peu à l'intention générale du site et à un ton particulier. Et donc, on a fait un texte d'intention qui est proposé dans la boîte à outils du site. Et donc, je vais vous le lire. Entendu. À l'Ouest est un site collaboratif d'information sur Rouen et alentour. Ce site se veut aussi bien un relais qu'une caisse de résonance des luttes passées, présentes et futures, s'inscrivant dans une perspective révolutionnaire et cherchant à diffuser les infos, récits, réflexions, témoignages et la mise en pratique d'un certain nombre de gestes. Nous avons l'ambition d'être aussi une plateforme d'organisation ici sur Rouen en développant des outils complémentaires sur le site. C'est un site coopératif à l'échelle nationale. À l'Ouest fait partie du réseau Mutu, mutu.medialibre.org, qui correspond à la tentative de partager nos expériences et mettre en commun un certain nombre de dispositifs techniques. Une mutualisation de ressources et de pratiques qui associe pour l'instant 15 sites au fonctionnement varié. Un site coopératif à l'échelle locale. Ce site a été initié par un collectif suite au mouvement Loi Travail. La nécessité était alors de posséder un outil pour rendre visible et permettre une liaison et des discussions entre divers groupes et diverses luttes au niveau local et national. Bien évidemment, si les luttes locales sont essentielles, nous avons également la volonté de relayer des analyses et informations plus globales, car la construction d'espaces et d'imaginaires révolutionnaires passe par la compréhension de l'organisation sociale du monde. Comment publier ? Chacune peut participer à alimenter le site. Il est ouvert à toutes les contributions tant qu'elles ne reproduisent pas des positions de domination. À partir de là, toutes les collaborations sont bienvenues. Infos, analyses, actualités, événements, textes trouvés ailleurs. Toute publication se fait via l'interface privée du site. Venez publier, ce site ne peut exister sans complice. Il est fait pour être le plus ouvert possible à celles et ceux qui souhaitent y prendre part. Pour vivre, ce site a autant besoin d'auteurs que de lecteurs, de relais que de discussions. Un ensemble de partages visant à produire une analyse plus complète de la situation présente. Et donc, il y a toute une partie où les gens contribuent, il y a cette histoire de lettre d'intention. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir des publications que vous avez dû refuser, enfin, ou du moins qui ont fait débat? Je ne sais pas si vous voulez nous en parler. Oui, c'est arrivé. Et c'est arrivé notamment lors de l'expulsion de la ZAD, où il y avait beaucoup de conflits internes au sein des collectifs qui sont présents à la ZAD. Et on a reçu un texte qui était plutôt bien, mais qui faisait 60 pages. D'accord. Et à la fin, le texte était plutôt bien dans l'analyse, mais à la fin du texte, il y avait beaucoup de reproches à des gens. Mmh. Et, des attaques un peu. Des attaques, voilà. Avec des noms cités, etc. Et du coup, on ne publie pas les embrouilles, etc. On ne voit pas forcément l'intérêt, même si le reste du texte était intéressant. Du coup, on a décidé de ne pas publier. Après, il y a eu d'autres choses qu'on n'a pas publiées. Ce n'était pas le seul truc. Il y a aussi des gens qui nous envoient, spectacle de danse du ventre à grand couronne. Et ça, c'est... Je ne sais pas, ça arrive de temps en temps, des trucs un peu absurdes. Après, ça ne veut pas dire que... Enfin, là, c'était un exemple où, effectivement, on a eu cette proposition d'article qui était un événement purement culturel. Ça ne veut pas dire qu'on refuse systématiquement la publication des événements culturels, mais il faut que ça ait... Enfin, en fait, il faut que cet événement, il ait envie de parler aussi de politique, de comment la culture, elle s'inscrit aussi dans un... Enfin, dans notre monde et tout ça. Et du coup, c'est pas du tout pour dire qu'on refuse les événements culturels. Dans cet exemple-là, c'était clair que c'était uniquement de la publicité, comme si c'était en fait sur le journal municipal. Donc c'est pas ça qu'on a envie de faire. Mais par contre, dès qu'il y a... Par exemple, il y a eu... Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais à un moment donné, il y a eu un article sur une pièce de théâtre qui était sur le thème de l'exil. Et du coup, forcément, c'est quelque chose qu'on va relayer parce que c'est des thèmes qui nous intéressent et on pense qu'il faut que ça prenne place. D'accord. Et après, juste, il y a aussi eu des articles qu'on a publiés et qui ont posé questions au sein du collectif. Et une des manières qu'on a trouvé d'y répondre, c'était de se dire, si ça pose problème, si tout le monde n'est pas d'accord sur cette publication, peut-être on peut publier aussi un texte qui propose une autre version de l'événement en question, de l'analyse qui a été proposée au départ. Ok. C'est une autre façon. Une espèce de truc aussi droit de réponse un peu, quand il y a des choses qui font débat. Ouais, mais aussi parce que le site, il n'a pas une ligne politique unique. Mm-hmm. C'est que l'idée aussi du site, c'est que même des idées politiques très différentes puissent s'exprimer sur le site, à condition de respecter la charte, bien sûr. Mais voilà. D'accord. Du coup, il y a une espèce d'équipe, je me mets un peu dans la peau de quelqu'un qui travaille pour à l'Ouest, enfin qui travaille, je ne sais pas si vous pouvez dire que vous travaillez, mais du moins qui contribue à l'Ouest activement. Donc quand s'il y a un truc qui fait débat, il y a une espèce de comité de modérateurs. Comment vous faites pour vous organiser? Est-ce que c'est que des gens qui sont de Rouen en tant que tel? Enfin, en gros, comment, où ça se passe par Internet? Enfin... Bon, les textes qui font le débat, ça arrive pas non plus tous les jours. Hein. Enfin, je veux dire, là, par exemple, il y a des textes sur les gilets jaunes. C'est facile de voir très rapidement si ça respecte la charte ou pas, si on publie ou pas. C'est assez rare quand même qu'il y a des choses qui font débat. Après, c'est à la personne qui tombe dessus en premier de valider ou non. Et après, de toute façon, vu qu'après on peut faire un droit de réponse, enfin, l'idée c'est quand même de pas censurer, même si on n'est pas d'accord, même si on trouve que des fois ça peut être mal écrit ou je sais pas quoi. Voilà, c'est pas l'idée, au contraire, c'est de laisser s'exprimer les gens. Oui. Et je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que il y a d'autres sites d'information militante et politique qui existent, qui s'appellent les sites Indie Media, qui est un gros réseau, enfin qui était un gros réseau à une époque. Et il y avait des sites notamment, il y a encore des sites notamment sur Grenoble, sur Nantes, il y en a eu à Lille, il y en a eu en Angleterre, il y en a en Grèce encore actuellement. Et c'est des sites qui sont basés sur de la publication ouverte, mais pour lesquels les gens ne font presque pas de filtre. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des textes, ils les publient direct. Ils ont une charte aussi, mais qui est hyper large. Et en gros, ils publient absolument, presque tout ce qu'ils reçoivent. Mm-hmm. et en l'état, c'est-à-dire qu'ils refusent de dire aux gens vous pourriez modifier ça, vous pourriez, enfin ils refusent d'avoir prise en fait sur ce que les gens leur proposent. Et quand le réseau Mutu dont on parlera plus tard s'est monté, justement les gens qui voulaient monter ce réseau là portaient plus le fait que ils avaient envie d'accompagner les personnes qui allaient contribuer en par exemple leur proposant de rajouter une image, en leur proposant de rajouter une introduction pour que les gens aient envie de rentrer dans l'article, envie de rentrer dans le et donc il y a eu, enfin tous les sites du réseau ne fonctionnent pas comme ça, mais il y a quand même une volonté d'accompagner aussi les gens quand ils publient quelque chose pour vraiment faire en sorte que le contenu il soit, enfin qu'il fasse envie, qu'il soit je sais pas comment dire, plus... Je sais pas comment dire, mais en tout cas, qui fasse envie, c'est bien. Qui fasse envie, qui soit clair, accessible, voilà. Après, c'est des trucs basiques. Il y a de la correction orthographique, il y a parfois un peu de mise en page pour que l'article soit vraiment agréable. Voilà. Entendu. Eh ben, je propose une petite pause musicale. Donc, la rumeur, on frappera. Allez-y. Avec nos fronts en fièvre, avec nos poings en grève et un vacarme d'armes à bâillonner les chiens de garde du palais, avec une étincelle frêle au coin des lèvres sur une mare noire de kérosène, avec des pages pleines du sang séché de nos veines, avec un incendie au cœur et la mémoire de la sueur, avec le talon fier plein de poussière et la musique éclair du revolver quand elle rythme la fuite des pistes sous les jupons de l'institution, avec des torches rallumées au lendemain des massacres et puis les vapeurs âcres qu'exhalent nos plans d'attaque en bouillant dans le cloaque, avec un goût prononcé pour la poésie du fond des mines et un faible avéré pour la nitroglycérine, avec les plans du bâtiment plus les chiffres clés des codes d'accès, avec le race, avec les dents, avec finesse, avec du temps, avec ou sans l'aide du ciel, mais avec toi, lui et elle, mais avec toi, lui et elle, on frappera, on frappera, on frappera, on frappera. Sur ma vie, sur ma tête, que les porcs restent à l'abri, je te rassure pour le bain de sang par terre. Comme j'ai bien appris mes leçons de guerre, sur ta patrie on frappera, mes soldats en batterie, stratégiquement sur la SNCF, quand dans mes rangs la haine s'élève, pour effacer le sourire sur ses lèvres, on frappera, et on frappera de prisonniers, que les volontaires viennent se désigner, il y aura plus de secours, plus de lignes de téléphone, sur les postes de police, postes et télécoms, on frappera, surtout sur la capitale, sur toutes ses fonctions vitales, et on frappera dans le détail, et on dansera sur les ruines de ces belles vitrines, et à notre passage, tu pourras compter les victimes, barricades, barrages, partout sur Paris, partout sur la ville, que de la barbarie, reçu 5 sur 5, on tient le siège d'ici au palais de justice, et pour ces briseurs de rêves, y'aura pas d'armistice. Dans ces zones sinistrées, appelle tes militaires pour aider les kisdés. On frappera, on frappera, on frappera, on frappera. Toujours la main sur le cœur pour palper l'acier, dans la poche intérieure de mon bombardier. On frappera même au sol pour un regard, une parole. La sanction tombe sans discuter une plombe. Pour ce genre de nègre qui pour paraître plus intègre se désintègre, c'est le cas de le dire, pour embrasser le cul de la patronne. Pur rien ne m'étonne, comme des mères de chiens et pour des miettes de pain. On frappera, on fera la misère pour combler soi-disant notre absence de repères. Radio Grenouille. Qu'on en vienne à des méthodes à l'ancienne, en pleine période de vaches maigres, pour qu'on nous lâche du blé, pour qu'on nous lèche les pieds, sous la menace d'un ou plusieurs colis suspects. La douce France couche pour de l'oseille, et partout en Afrique, je ferai courir bouche à oreille. On frappera, on forcera les serrures, des portes blindées et cadenassées de la préfecture, pour qu'enfin les inclars, en galère de paplard, s'offrent le plus beau des mariages blancs, qu'on ira laisser au hasard, mais tout en bazar. Juste pour crever l'écran. Juste pour crever l'écran. On frappera. On frappera. On frappera. On frappera. On frappera. On frappera. On frappera. On frappera. Radio Crochet. Faut savoir l'encaisser. Nous sommes de retour en direct avec alouest.info. Radio Crochet. Oh mon dieu, c'est en boucle. C'est bon. Alors, vous allez bien? Ouais. Toujours. Oui, très bien. Et merci de nous accueillir dans ce magnifique local du Diable au Corps. N'est-il pas? Alors, par quoi on voulait enchaîner? Alors, vous aviez déjà des petites idées dans la tête. Qu'est-ce okay, que oui. Vous voulez nous raconter? Absolument. Nous avons beaucoup de choses à dire. Peut-être on pourrait parler des chroniques, des rubriques qui sont sur le site. On peut les présenter. Allez-y. Alors bon, si vous êtes déjà allé sur, sur le site à l'Ouest, parce qu'on a donné l'URL tout à l'heure, je la rappelle, c'est a-louest.info. Vous avez pu voir si que... Si vous n'êtes pas sur le site à l'Ouest, vous ne pouvez pas entendre la radio a priori. Vous devriez être dessus. Ça marche pas. Mais si, il y a un autre player. Si, il y a un autre player ailleurs. Mais bon, la plupart des gens passent par à l'Ouest. Bref, nous sommes tellement proches de Radio Crochet qu'il y a un lecteur Radio Crochet sur la page principale du site à l'Ouest, parce que voilà, on les aime beaucoup. Et sinon, à part ça, donc, quand vous arrivez sur le site, vous allez voir qu'il y a plusieurs rubriques. C'est-à-dire quand vous proposez un article, bon, c'est difficile hein, de faire rentrer parfois des choses dans des rubriques un peu établies, mais on les a pensées relativement larges. Et du coup, il y a plusieurs rubriques. Il y a une rubrique info locale, qui est la rubrique qui est la plus utilisée, qui va parler de politique locale, qui va parler d'événements qui se passent dans certains lieux à Rouen, des discussions, des débats, des luttes aussi, quand il y a par exemple une occupation pour les migrants, notamment la Garenne, etc., quand il y a des manifestations, voilà, on trouve ça là-dedans. Il y a une rubrique chronique qu'on a mis en place il n'y a pas si longtemps, parce qu'à des moments, il y avait des gens qui proposaient des textes un peu de fond sur plusieurs épisodes, et on s'est dit que c'était aussi une forme intéressante. Ça peut toucher des sujets très très larges et souvent avec un point de vue très très assumé, un style qui est très assumé. Il y a une rubrique analyse. Pardon. Il y a une rubrique analyse. Voilà, je sais pas trop quoi en dire, ça peut paraître un peu logique. Ouais. C'est une analyse quoi. C'est une analyse. Analyse quoi ? Analyse de trucs politiques, d'événements. De situations. Après, la rubrique analyse, elle existe depuis pas longtemps parce qu'en fait, on mettait. Ce qui était de l'ordre de l'analyse dans d'autres rubriques comme Fulgurance ou Chronique. On a créé exprès une rubrique analyse pour que ça soit bien séparé parce que c'est vrai que des fois c'est quand même assez différent. Ok, bah là par exemple sur analyse, il y a deux articles. Ouais, comment j'ai été convaincu par l'écriture inclusive et on a le même maillot, mais a-t-on la même passion sur les gilets jaunes ? C'est pas représentatif de toutes les analyses qu'il y a parce que comme je disais, il y a beaucoup d'analyses qui sont allées dans la rubrique Chronique ou Fulgurance. Voilà. Alors la rubrique Fulgurance, justement, c'est une rubrique qu'on a lancée dès le début parce qu'il y avait l'envie de pouvoir reproduire des textes qui nous parlent, que ce soit de la poésie, du roman, enfin il y a vraiment un peu toutes les formes, et des textes qui parlent de ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est souvent de la littérature, mais ça peut aussi être autre chose, et c'est des textes qui se détachent un petit peu de l'écriture qui peut être journalistique, ou enfin c'est beaucoup plus... une rubrique qui déborde un petit peu les limites de l'imagination et qui a toujours un rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Il y a une rubrique boîte à outils dans laquelle il y a des informations sur par exemple le numérique, enfin la sécurité numérique. Je sais plus qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. Beaucoup aussi comment utiliser le site, comment mettre une photo, comment mettre un lien radio, comment publier, comment voilà tous les trucs techniques pour utiliser le site. Voilà, et là, il en manque encore des rubriques, enfin des articles pour expliquer bien le site, mais ils vont être faits dans les semaines qui viennent. Du coup, beaucoup de modes d'emploi divers et variés. Ouais. Tout à fait. Il y a aussi la rubrique « À lire ailleurs ». Ça, c'est une rubrique dans laquelle on fait des clins d'œil à d'autres gens qui publient des infos, notamment d'autres sites du réseau à l'Ouest, d'autres sites du réseau MeToo, pardon. Et où, de temps en temps, on va choper des articles qui nous ont intéressés ailleurs pour les partager sur notre site. Ça permet de faire tourner tous les articles qui sont créés au sein du réseau MeToo sur nos sites. Parce que parfois, ça concerne des actualités locales, parfois pas. Et on aime bien ouvrir une porte comme ça sur l'extérieur. Et il y a un dernier onglet qui est l'onglet du réseau MeToo, en fait, qui amène vers un espèce de... On appelle ça un portail. Il va beaucoup évoluer là, dans les mois qui viennent. Et c'est un portail qui, en gros, reçoit tous les articles qui sont publiés sur tous les sites. Donc, il y a une quinzaine de sites en France et en Suisse. Et voilà. D'accord. Moi, j'ai une ou deux petites questions rapides. C'est notamment en termes de lecture des articles, enfin de gens qui consultent le site. Est-ce que vous avez quelques ouais. chiffres en vrac ? C'est pas le plus important. Ça dépend vraiment de l'actualité. En fait, en moyenne, je pense qu'il y a 200 personnes qui vont sur le site par jour. D'accord. Après, quand il y a un mouvement, par exemple le mouvement dans une fac ou là pendant les gilets jaunes, les stats ils explosent un peu, quoi. Mmh. Genre en ce moment. T'as plus de 1000 personnes par jour. Ok. Et en moyenne, enfin t'as des journées à à plus de 10 000. Enfin, il y a eu une journée à plus de 10 000, il y a eu une journée à plus de 15 000 même. Okay. Ça dépend vraiment de l'actualité. En fait. Ce qui se passe en France et les articles qu'on publie en conséquence va influencer sur ce qui se passe. Et du coup, par rapport aux autres sites du réseau Mutu, c'est à peu près... vous êtes dans une moyenne... Enfin, c'est la même chose. Vous êtes dans une moyenne basse, une moyenne haute. Alors, dans le réseau Mutu, il y a 17 sites. Ou 15, enfin, je crois que c'est 17. Et par exemple, il y a des gros sites, genre Rébellion, Parlutinfo, où ils font du 200 000 par jour, quoi qu'il arrive. Et les jeux en mouvement, ils font plutôt 1 million. Donc, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Okay. T'es pas d'accord? Je me souviens plus des chiffres, mais ça me paraît énorme. Oui, c'est ça, c'est ces chiffres-là. Et voilà, nous, on est plutôt au milieu ou au milieu en bas. Voilà, avec les autres sites, genre Disjoncté, ce genre de site, quoi. Entendu. En fait, il y a une grosse disparité au sein du réseau entre vraiment des très grosses villes et dans lesquelles en fait, les sites, notamment Paris Lutinfo et Rébellion à Lyon, c'est des sites qui ont été créés il y a un bon bout de temps. Du coup, ils ont eu le temps de s'installer un peu dans le paysage politique. Et donc, c'est des sites déjà qui sont liés à des villes très grosses dans lesquelles il se passe beaucoup de choses. Et en plus, c'est des sites qui commencent à avoir une grosse histoire. Il y a énormément de groupes qui s'organisent dans ces villes. Du coup, il y a énormément de contributions extérieures. Et après, au sein du réseau, il y a... Il y a d'autres sites qui fonctionnent très très bien, mais en tout cas, il y a un peu une disparité entre grosses villes et villes de province, en gros. Et où, du coup, ça ne va pas du tout être le même rapport entretenu entre les contributeurs ou les lecteurs avec les sites, quoi. Nous, on est plutôt petite ville, plutôt, on est proche de Paris, du coup, il y a une spécificité qui fait qu'on va être absorbé par la, par la mégalopole, mais voilà. Ok. Et j'avais une autre petite question, c'est est-ce que c'est possible de laisser des commentaires en dessous de vos articles ou pas? Et si c'est pas le cas, pourquoi? Très bonne question, je suis étonné que tu la poses. Bah merci. Alors, quelle est la réponse à tout ça? Alors, je pense qu'on a fait le choix de pas laisser de commentaires pour plusieurs raisons. je vais essayer d'en dire au moins une déjà pour. Je passerai le micro, mais pour parce que on voulait pas qu'il y ait un souvent les gens qui laissent des commentaires dans les sites, on peut voir sur Le Monde ou Libération ou je sais pas quoi, ou 76 Actus. 76 Actus, c'est un peu du grand n'importe quoi et on voyait pas trop l'utilité. D'accord. De faire ça. Après, il y a d'autres raisons. Il y a une raison qui est un peu plus, qui nous échappe un peu plus dans le sens où en fait ces sites-là, comme c'est des formulaires qui permettent de rentrer des commentaires, en fait il y a plein de logiciels sur Internet qui envoient des spams, enfin qui en profitent pour envoyer des pubs et du coup. Nous, quand un commentaire ou un article arrive, l'équipe de modération, on va dire, est chargée de voir ce qui est arrivé, de valider ou pas pour les mettre en ligne. Et en fait, si on avait des commentaires qui arrivaient toutes les 10 minutes, mais qui sont juste des pubs, ça veut dire que tu passes ta journée à modérer des contenus, soit un peu débiles, parce que on voit bien qu'effectivement, les commentaires, c'est souvent des espaces où il ne se dit pas grand-chose de très intéressant. Et en plus, on aurait été amené à modérer de la pub. Du coup, ce qu'on s'est dit plutôt, c'est que si les gens avaient envie de réagir à quelque chose, eh ben, en fait, on était prêts à accueillir aussi des réactions. Mais même des brèves, en fait. On n'a pas besoin d'avoir fait l'université et d'écrire un truc super élaboré. En fait, si quelqu'un a envie d'écrire juste une brève sur un truc qu'il a vu et qui lui a fait réfléchir à quelque chose, en fait, on prend. Il ne faut pas se mettre la pression, en fait. C'est pas... Ok. Ouais. C'est tout pour mes questions pour le moment. Je ne sais pas si vous aviez envie de discuter d'autres trucs. C'était quoi vos prochains... Non, on proposait de lire un article qui nous a été envoyé, par exemple, pour montrer le type de contribution qu'on a, et qui est un article qui s'inscrit vraiment dans l'actualité parce que c'est sur le mouvement des Gilets jaunes, mais qui se passe à La Réunion. Et donc, qui est dans la rubrique chronique, puisqu'il y a plusieurs épisodes. Et donc, on proposait de lire le premier épisode. Allons-y. Qui s'intitule « Jaune soleil, récit d'une éclipse du capitalisme ». J'y vais. Donc, partie 1. Il est de ces moments dans la rue que l'on n'oublie pas. La première manif, la première bavure, la première allégresse, la première victoire, la première défaite. Il est de ces moments qui nous deviennent intimes et qui nous construisent dans nos engagements, dans nos combats, dans nos moyens et stratégies d'action. Il est de ces moments qui durent quelques secondes et ne nous quittent plus jamais. Une zone commerciale déserte, la chaleur moite, des palettes et barrières au sol, des hommes sur un rond-point que l'on contourne, des cagoules noires, le silence dans la voiture, la route à sens contraire pour trouver un autre chemin. La première fois qu'on se dit que c'est peut-être maintenant, et qu'on ne sait pas ce qu'il va en sortir, même si on l'a rêvé, voulu tellement de fois. Qu'on réfléchit pour de vrai aux ressources dont on dispose pour s'organiser. J'ai les pieds dans l'océan Indien en écrivant ces lignes, à 10 000 km de ma famille, de mes amis et de nos habitudes. Alors tout ce récit n'est qu'une description de ma réalité, subjective, superficielle, derrière la baie vitrée. Dans les rues de Saint-Denis, les voitures sont garées un peu partout sur les trottoirs. On traverse des rues avec du verre brisé, des plastiques et des métaux fondus, des fumigènes et lacrymos usagés. Aujourd'hui, il y a moins de barrages en centre-ville. Les supermarchés qui sont ouverts sont pleins. Les files d'attente remplissent les rayons jusqu'au fond des boutiques. Bouteilles d'eau, boîtes de conserve, produits frais. Un couvre-feu vient d'être déclaré dans la moitié des communes pour la nuit. Un hélicoptère fait des allers-retours au-dessus de nos têtes. L'heure est à l'organisation sur les points stratégiques. Ici, en bloquant certains ronds-points, on bloque l'ensemble de la circulation entre les villes sur l'île. Nord, est, sud, ouest, chacun, chacune doit rester dans la partie de l'île sur laquelle il, elle, était dimanche soir. Hier, le préfet a appelé des renforts policiers de Mayotte, sous-effectifs géographiquement logiques. Dans la caserne de l'armée de terre, l'état d'urgence rend sans doute possible des discussions opérationnelles qui ne l'auraient pas été auparavant. Pour tout faire basculer, nous suffit-il de bloquer le port ? Ici, plus d'autonomie alimentaire ni énergétique depuis quelques décennies. La métropole veut du sucre, abandonnons les terres à la canne. Il faut consommer plus de pétrole, démantelons tout le réseau ferroviaire. Il faut raconter une histoire qui étouffe les braises émancipatrices. Payons 35% de plus des professeurs qui viendront raconter les livres écrits à Paris. Il faut des enfants pour repeupler les campagnes françaises après-guerre. Allons les chercher sous l'équateur. Qui s'en rappellera si ce n'est pas dans nos manuels ? Pas d'analyse construite ni exhaustive dans cet inventaire à l'après-vert. Samedi soir, coincés pour la nuit sur un champ de foire où nous organisions un événement, nous avons essayé de passer un barrage tenu par une dizaine de personnes pour aller acheter à manger. T'es pas d'ici, te plains pas pour la bouffe. Au même moment, des barrages un peu plus loin filtraient selon la race. Comme toujours, ces faits sont marginaux, pas plus représentatifs du mouvement que ses autres composantes. Comme toujours, chercher des explications, ce n'est pas excuser. Ici, le sable est parfois noir, la lave séchée se jette dans les vagues turquoises. Ici, il y a des baleines majestueuses l'été, des nuages qui drapent les montagnes dès le milieu du jour. Il y a le soleil brûlant, la luxure végétale, les cascades dans les bassins. La douceur, l'immensité et le volcan qui gronde sous nos pieds silencieusement tout le temps. À quelques kilomètres de moi, il y a la grande chaloupe où l'on débarquait encore des engagés il y a moins d'un siècle. La révolte se teinte de nuances qui n'existent pas dans les centres-villes de Rouen ou d'ailleurs. Les racines de ces colères sont profondes, les bourgeons de cette lutte flamboyants. La misère paraît moins pénible au soleil, mais quel goût auront les fruits de la révolte au paradis ? Il est de ces moments qui nous avalent tout entier, auxquels on ne comprend presque rien, bien que toutes les raisons soient juste sous nos yeux depuis longtemps, qui nous laissent hagards. Les vraies questions se matérialisent dans l'œil du cyclone. Avons-nous envie d'une accalmie pour retrouver le confort routinier de l'espoir du soulèvement ? Ou plutôt que les nuages crèvent enfin pour laisser pleuvoir un avenir incertain. Quel schéma saurons-nous éviter de reproduire ? Il est de ces moments qui appartiennent à nos histoires militantes, et il y a ceux qu'on se prend de plein fouet. Ce week-end, nous nous joindrons aux foules pour recueillir leurs récits. Partie 2 à venir. C'est très beau. Ouais, du coup, si vous voulez lire la partie 2, il faut aller sur le site. Pas mal. Bien joué, belle propagande. Est-ce que vous voulez enchaîner ou est-ce que vous faire une petite pause, je mets une petite chanson. Une petite chanson. La petite chanson, alors ce sera casé quand les banlieusards sortent. Il sue, il tremble, il court à toutes jambes. Il prie même le ciel quand on se rassemble. De peur que ça flambe, ils se cachent et puis verrouillent leurs portes. La nuit quand les banlieusards sortent, ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. La nuit quand les banlieusards sortent, fermez vos portes et puis lumière éteinte. Priez les mains jointes car les banlieusards sortent. Les rues sont désertes et la ville semble morte. Et toutes les sirènes d'alarme sonnent l'alerte. Les polices les plus expertes organisent des cellules de crise et se concertent. Se conseillent chacune pour savoir comment on se comporte. La nuit quand les banlieusards sortent, plus aucune vitrine ouverte. Grands patrons et banquiers sont sous bonne escorte. Politiciens qui redoutant dégâts et pertes demandent à l'armée de venir prêter main forte. Et toutes les places sont recouvertes de haut-parleurs qui crachent et puis colportent. Le plan de sécurité est éviter que la panique ne l'emporte. La nuit quand les banlieusards sortent, ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes. Ils prient même le ciel quand on se rassemble, de peur que ça flambe, ils se cachent et puis verrouillent leurs portes. La nuit quand les banlieusards sortent, ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. La nuit quand les banlieusards sortent, l'heure est grave quand on arrive. Des familles entières se réfugient à la cave, amènent avec elles juste quoi survivre, comme l'indiquent les instructions qu'elles reçoivent. Certains s'enivrent et puis écrivent leur testament sur la bouteille qu'ils boivent. D'autres lisent ces livres saints qui aident à tenir et réconfortent. La nuit quand les banlieusards sortent, des âmes trop craintives trouvent que les autorités devraient signer la trêve. D'autres se pincent fort la peau et ouvrent les yeux, croyant faire vraiment un mauvais rêve. Certains s'énervent, disent que ça prouve que depuis longtemps il fallait qu'on les achève. Mais tous au fond éprouvent peur, diarrhée et fièvre beaucoup trop forte. La nuit quand les banlieusards sortent, ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes. Ils prient même le ciel quand on se rassemble, de peur que ça flambe, ils se cachent et puis verrouillent leurs portes. La nuit quand les banlieusards sortent, ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. La nuit quand les banlieusards sortent, ça brûle, ça crame, crame. Ça tourne au drame, crame. Ça sent le crime, crime. Et ça sort les armes, armes. Et on tue des hommes, hommes. Et on voit des flammes, flammes. Et des uniformes, formes. Donc on plante des lames, lames. Ça s'envenime, nîmes. Sans état d'âme, dame. Et on les allume, lume. Sur le bitume, tume. Et on les dégomme, gomme. Et on les décime, cime. Et on les décharne, charme. Avec des mines, mine. Nous que l'on qualifie de polygames, nous que l'on élève au rang de vermine, nous que l'on dit fumeur de Marie-Jeanne, nous qu'on condamne, emprisonne et puis supprime. Ah. Ils suent, ils tremblent, ils courent à toutes jambes. Ils prient même le ciel quand on se rassemble, de peur que ça flambe, ils se cachent et puis verrouillent leurs portes. La nuit quand les banlieusards sortent, ils voudraient qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. La nuit quand les banlieusards sortent. La nuit quand les banlieusards sortent. Quand les banlieusards sortent. Ok, du coup on est en direct, on est de retour. Vous vouliez nous parler de Mutu, c'est ça? Et juste avant j'ai un truc à dire, il y a 25 auditeurs. Oh. C'est de mieux en mieux. Et on a aussi un décompte qui est lancé, donc du nombre de rires de Benny, ici présent, que j'ai remplacé pour soulager les oreilles de Chloé. Bon, si je rigole, en fait, c'est cette place. Alors, Mutu, c'est ça ? On Mutu, vous écoute. Tout à fait. Qu'est-ce Mutu, c'est un nom un peu étrange qui vient de mutualisation. Parce que, en fait, au début, il y a eu rébellion. Et Rébellion, c'est un site qui s'est monté sur Lyon et la région lyonnaise pour relayer des luttes, des mouvements d'émancipation, etc. Et en publication ouverte, avec une charte précise, voilà, qui c'est vraiment un outil qui se voulait un outil de lutte, quoi. Et après Rébellion, il y a des gens qui se sont dit « Ah tiens, sur Paris, ce serait bien de monter ça. » Après, sur d'autres villes, Tours... Brest, en fait sur plein de villes il y a des gens qui ont commencé à se dire mais en fait c'est intéressant comme outil, on pourrait imaginer en créer plein. Et donc au fur et à mesure tous ces gens En se réunissant, on finit par constituer un réseau. Un réseau dans lequel l'idée, c'est de partager à la fois des dispositifs techniques, comme on dit, c'est-à-dire ce qui fait qu'un site peut s'apparaître sur des ordinateurs, donc, qui sont de serveurs, de tout ça. Et aussi, l'idée, c'était de pouvoir se parler politique, de se dire pourquoi on veut faire du média, comment on le fait, comment ces médias-là, ils sont en fait des vrais outils de lutte, comment est-ce qu'ils peuvent servir à des luttes, à se constituer, à se développer, à être soutenus. Et voilà, et je peux vous dire un petit peu, si vous écoutez Radio Crochet, mais que vous n'êtes pas de Rouen et que vous êtes intéressé pour savoir s'il y a une radio dans votre ville, je peux vous lire la liste des sites. On la retrouve, cette liste, sur le site mutu.medialibre.org. Donc il y a Rébellion, dont on a déjà parlé sur Lyon. Il y a un site à Toulouse aussi qui s'appelle IATA. Il y a Paris Lutte. Il y a un site à Tours qui s'appelle La Rotative. Il y a un site en Suisse romande qui s'appelle Renversé. Un site à Marseille, un site à Brest, un site à Montpellier qui s'appelle Le Pressoir. Le numéro 0 à Saint-Étienne. Expansive à Rennes. Manifeste à Nancy et le Grand Est. À l'ouest à Rouen, Cric à Grenoble, Barricade en Suisse alémanique, La Bogue dans le Limousin et le petit dernier, c'est Disjoncté qui est sur Dijon. Voilà, donc tous ces sites sont reliés d'une manière ou d'une autre, font partie d'un même réseau. Est-ce que du coup ça implique un travail commun, je veux dire, entre tous ces réseaux-là, tous ces sites? Est-ce que vous vous rencontrez souvent? Est-ce que c'est chacun de son côté, mais on a juste le même outil? C'est quoi? Oui, on se rencontre souvent, tous les 6 mois. Et surtout, ça permet, en fait, s'il y a des difficultés, par exemple, s'il y a une ville où ils sont très forts techniquement dans telle ville, de pouvoir aider les villes où ils sont moins forts techniquement, ou si une ville développe un outil sur leur site, de pouvoir le partager, de pouvoir l'utiliser sur les autres sites, etc. Ouais. Ça mutualise. Ça mutualise. Excellent. Ok. Et ça permet aussi d'échanger sur qu'est-ce qu'on fait chacun dans nos villes, c'est quoi les spécificités de nos villes, comment est-ce qu'on arrive à avoir un impact sur politique, sur ce qui se passe. Et du coup, on a aussi des discussions là-dessus sur comment on s'y prend pour que plus de gens publient, parce que le but, c'est pas que ces sites-là ils soient la propriété d'un seul groupe. Comment est-ce qu'on se rapporte à l'actualité, comment est-ce qu'on arrive à produire du contenu. Enfin, y a ces techniques, mais pas uniquement. Et je voulais dire autre chose, mais ça m'a échappé. Non, un des trucs qui est assez intéressant, c'est que justement, ça dépasse uniquement les considérations techniques sur les sites, et que dans la mesure où ça discuter de ce type de médias, ça amène à des discussions politiques de fond, et voir les accords ou désaccords éventuels qu'il y a entre les différents sites. D'ailleurs, ça se ressent quand on voit les sites, il n'y a pas forcément tout à fait les mêmes lignes politiques, mais... Du coup, en général, ça amène des discussions de fond qui sont hyper intéressantes. Et puis, c'est là aussi que ça crée du partage, et que c'est finalement au-delà de la question de faire un média et de partager des points techniques. Ça a créé aussi des liens forts et des amitiés entre les différentes personnes qui ont lancé ces sites. Et donc... moi, je dirais que un des points intéressants, c'est que ce réseau-là, il dépasse un peu l'idée juste d'une mise en réseau un peu désincarnée, quoi. C'est vraiment aussi des amitiés qui ont décidé de porter ensemble un projet fort, quoi. Donc, c'était mon idée. Et je rajouterais un truc, parce que j'ai l'impression que peut-être on n'a pas été suffisamment clair. Ce réseau-là, il réunit un certain nombre de collectifs, mais il n'y a pas de politburo. Enfin, genre, on n'est pas à devoir rendre des comptes ou à vouloir avoir une ligne politique commune très très forte. C'est-à-dire, les sites sont vraiment autonomes les uns des autres, peuvent porter des choses différentes. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que quand on se retrouve, on a plein de choses différentes à se raconter. Et du coup, c'est un réseau, mais qui est hyper large, quoi. Les sites sont vraiment autonomes. Ok, moi je voulais vous lancer justement là, par rapport à tout ce que tu dis sur le côté politique des médias. Comment vous vous positionnez, vous, en tant que média indépendant par rapport à, je sais pas, on va dire, les médias classiques, mainstream, par exemple, dans un mouvement comme hier, où enfin, tout le monde, j'imagine, a suivi un petit peu ce qui s'est passé. Moi, j'écoutais la radio à un moment donné, dans la matinée, et c'est vrai qu'il y a des termes utilisés qui sont vraiment... comment on pourrait appeler, des termes qui sont typiquement médias classiques. Par exemple, hier, on disait à 11h, j'entendais 1500... merde, je trouve plus le terme. Perturbateur, voilà. Donc, ça, c'est nouveau. D'habitude, c'est casseur. Voilà, c'était perturbateur. Et du coup, comment on fait, là, c'est plus de manière générale, mais comment on fait quand on est un média, on va dire, indépendant et politisé pour faire attention aux mots qu'on utilise? Est-ce qu'on y réfléchit vraiment? Est-ce qu'on... on s'accorde à faire une sorte de propagande, etc., etc. Comment ça, comment, voilà, je sais pas, c'est une question ouverte. Voilà. bah, je pense que, par exemple, pour le, ça nous viendrait pas à l'idée d'écrire perturbateur ou des gens qui nous lisent et qui nous envoient des articles, ça viendrait pas à l'idée de l'écrire parce que c'est pas dans leur langage, en fait, c'est pas naturel d'écrire ça, c'est vraiment un travail... fait par les médias pour instrumentaliser ou amener dans une direction tel mouvement ou telle idée le mouvement, quoi. Et enfin, du coup, je pense, enfin, c'est impossible pour nous, quoi. Oui, mais faut préciser pourquoi. Enfin, il y a aussi que justement ce que le texte d'intention il explique un peu, c'est que nous on se place toujours du côté des luttes et pas en ennemi des luttes, et puis que qu'on n'acceptera pas des articles qui reproduisent les rapports de domination. Et donc, ça veut dire qu'on n'acceptera pas le langage de l'État, ou, ce qui permet de décrédibiliser des luttes comme ça. Donc, c'est un peu pour ça que, d'emblée, je pense qu'il y a une sélection qui se fait dans les articles qui sont proposés et dans ce que nous, on peut publier. Ouais, je voulais rajouter que j'ai l'impression que les gens qui ont constitué tous ces sites et qui constituent ce réseau sont pour la plupart des gens qui portent une critique des médias et une critique, je veux dire, historique et sociale et politique des médias depuis longtemps. Enfin, c'est pas du tout récent que les médias servent plutôt les intérêts de ceux qui ont les rênes du pouvoir. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de se constituer en médias. Mais en fait, c'est pas du tout nouveau, en fait, que ce soit dans la presse ou dans la radio plus récemment. Toujours les personnes qui étaient en lutte ou qui avaient envie de relater... des choses qui faisaient sécession par rapport au pouvoir, ça a toujours existé. Enfin, et là, c'est un peu la version 2.0 de ça, de cette manière de faire sécession avec un discours du pouvoir qui est censé servir à continuer à consolider ce pouvoir. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir produire des choses différentes. Et juste pour l'anecdote, moi, ces derniers jours, par rapport à ce qui se passe dans le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, je lisais énormément la presse mainstream, parce que il y a des moments où sur nos sites ça met un petit peu du temps à produire du contenu, etc. Et du coup, j'étais un peu sur les dents, quoi. J'avais ce qui était relaté dans la presse, et je savais très bien que ça, c'était pas tout à fait exact, enfin, qu'en tout cas, c'était orienté dans d'une manière particulière. Et du coup, j'allais voir sur tous les sites du réseau Mutus, il n'y avait pas des trucs qui sortaient pour avoir une autre perception de ce qui est en train de se passer, une perception qui est orientée aussi. Enfin, il n'y a pas d'histoire de subjectivité, je veux dire d'objectivité, justement, c'est très subjectif, mais c'est dans une analyse différente. Et du coup, c'est un peu ça, moi, que je vois, c'est que c'est l'idée de raconter les choses, mais d'un point de vue qui n'est pas dirigé par le pouvoir. Ouais, justement, j'ai l'impression, là, par rapport à ce mouvement, qu'il y a, on ressent, si on va sur les lieux de blocage ou même en regardant un petit peu ce qui se passe sur Twitter, etc., on ressent une haine, ou en tout cas une méfiance des médias classiques, notamment BFM, j'ai l'impression que ça revient souvent. Et du coup, j'ai l'impression que, c'est pas vraiment une question, mais genre, je vous lance un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a un intérêt réel à se réapproprier, en tout cas, le côté... de le côté informatif de ce qui se passe, quoi. Il y a un réel besoin, en tout cas, des gens. Vous voulez dire quelque chose? Ou je mets une musique? Oui, j'en ai une, ouais. J'en ai une, vas-y, sous la main. Une petite musique, et puis okay. Après, il y avait l'idée de parler aussi d'autres circuits d'information, notamment par les réseaux sociaux, d'avoir une petite intervention là-dessus. Voilà, okay, restez avec nous. Radio Crochet. Reprend. Je voulais juste faire un aparté. On est du coup, comme on l'a dit dans l'émission d'intro, mais il y a peut-être des gens qui nous ont rejoints, on est en plein dans la bibliothèque du Diablo Corps, donc en bas. Donc il y a du mouvement, il y a du bruit, etc. C'est l'ambiance, l'ambiance réelle de la vie qu'on vous offre en plus des émissions. Je vous redonne la parole. Vous vouliez parler de pourquoi un site internet et pas un Facebook, si je ne m'abuse. C'est ça ? Tout à fait. On voulait parler de ça, mais en fait, on vient de se dire qu'on a complètement oublié de parler d'un truc un peu central dans le site, qui est l'agenda. Oui, l'agenda. On a un agenda. Non, je veux dire, si sur le côté du site, il y a un agenda où il y a les dates, les lieux où s'organisent les différentes choses dans la ville. Et tout le monde peut du coup publier dessus comme n'importe quel autre article. Il suffit juste de passer par l'interface et publier son événement. Voilà. Voilà, c'était juste une Super. Petite précision. Et sinon, on voulait parler des réseaux sociaux parce que on nous renvoie souvent la question, mais pourquoi vous vous faites chier à monter un site comme ça alors qu'il y a Facebook qui marche super bien, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a tout le monde qui est là-dessus. Du coup, pourquoi déserter cet espace de transmission d'informations, si on peut appeler ça comme ça? Et justement, à la création du réseau Mutu et des premiers sites, il y avait justement une méfiance très très forte à l'égard de ces réseaux-là, même si ça ne veut pas dire qu'on les déserte complètement, mais en tout cas, ça nous semblait important d'avoir un espace dans lequel on n'est pas soumis à ce que Facebook est, c'est-à-dire un outil dont on n'a pas la main, un outil qui nous dépossède de la question de quelle est la durée, la longueur des contenus, à qui ça va s'adresser, comment ça va circuler, comment ça va disparaître, et surtout, quelles informations ça va donner à des gens qui ne sont pas forcément nos amis. Et du coup, on assume de ne pas utiliser Facebook, en tout cas pour y mettre du contenu. Par contre, on l'utilise pour être en contact avec plein de comptes et plein de gens et renvoyer les gens vers le site, mais on n'a pas envie de l'utiliser comme un outil d'information pour plusieurs raisons. Oui. Genre, c'est peut-être pas la plus grosse raison, mais il y a un truc qui me marque beaucoup quand je vois des trucs sur Facebook, c'est que par exemple, on voit tel collectif qui va mettre un petit texte et il va le publier, mais c'est illisible en fait, ou prendre une photo d'un communiqué et le mettre sur Facebook ou sur Twitter, mais c'est quelque chose qui est impossible à lire, même en cliquant dessus, c'est très très moche et impossible à lire. Après, effectivement, en termes de diversité de contenu, c'est assez ça peut paraître assez pauvre. Souvent, c'est des choses très très courtes et enfin, en tout cas, moi j'ai la sensation que ça ne fait pas la part belle au contenu et au texte quoi, de les mettre sur Facebook. Et il y a un autre argument qui est un peu l'argument principal qu'on dit souvent, c'est la question de la sécurité. C'est-à-dire que Facebook, il est beaucoup basé sur la question de la récolte de l'information privée et de la monétarisation de cette information et aussi de questions de contrôle social. Et du coup, on est très attentif à cet aspect-là, surtout quand en fait, on dit à des gens... Bah, parlez-nous de vos luttes, parlez-nous de ce qui traverse vos collectifs, vos quartiers, etc. On n'a pas du tout envie d'ouvrir la porte encore plus à ce que les gens soient surveillés. On a plutôt envie de proposer un outil sur lequel on a la main, qu'on a créé nous-mêmes, qu'on a créé en réfléchissant à quoi il allait servir, comment, qui allait pouvoir l'utiliser, de pouvoir le faire évoluer nous-mêmes. Là, avec Facebook, on est vraiment... Enfin, on est des consommateurs d'un outil qui a été créé par d'autres, mais pas du tout dans un but d'émancipation ou de... ou de partage d'informations profondes quoi. C'est un flux rapide, ça disparaît, on a des très vite des gros soucis d'archivage, de mémoire en fait. Quand on utilise Facebook, c'est hyper difficile de retrouver quelque chose qui a été posté. Du coup, on avait envie d'avoir des sites, des plateformes sur lesquelles on pense aussi cette question de mémoire et d'archivage et de durée dans le temps de certains contenus. Voilà. Reste qu'en termes de public, Facebook, il y a quand même beaucoup de gens dessus, du coup ça donne de la visibilité. Donc à l'Ouest, tu as quand même un Facebook pour repartager les articles du site. Donc, vous pouvez aller sur la page Facebook et après ça rebalance sur le site où là on a les articles qui sont plus longs, on peut voir toutes les chroniques, etc. Mmh. Tout tout à fait. Un petit dernier sujet peut-être, puisque je vois que l'heure tourne et que le prochain groupe commence à arriver. Et ça rassure tout le monde. Hier, on va vraiment essayer de rentrer dans l'actu. Il n'y a pas encore, si je ne m'abuse, d'article exactement sur ce qui s'est passé hier. Voilà, parce que justement, ce que tu disais tout à l'heure, quand on est dans ce genre de médias, de ne pas être dans l'immédiateté pour pouvoir réfléchir à vraiment ce qu'on a envie de dire. Mais il y a quand même quelque chose à dire, puisque à l'Ouest était présent hier à Paris, il me semble. Tout à fait. Est-ce que Et tu veux journée. Nous en parler Quelle journée, quelle journée. Oui, je peux en parler. Qu'est-ce que je peux dire moi, je suis arrivé à 13h sur la place de l'Étoile, où il y avait énormément de gens. Et là aussi, c'est très important, je pense, de se rendre soi-même dans les lieux où il y a des blocages, où il y a des manifs, etc. Et de ne pas faire confiance justement aux grands médias, parce qu'on voit bien que les chiffres qui sont dits dans les médias, ils sont juste absurdes. Ils sont les chiffres avancés par la mairie de Paris, par l'État, sur la journée d'hier, c'est 75 000 manifestants. Je pense que 75 000 manifestants, c'est peut-être la moitié des gens qui étaient juste sur la place d'Étoile. Et 75 000 autres sur toutes les rues alentour, quelque chose comme ça, c'était juste incroyable. Il y avait des milliers de gens qui étaient là. On a vu beaucoup de situations incroyables. On a vu des gens monter sur l'Arc de Triomphe, rentrer dans l'Arc de Triomphe. On a vu des choses absurdes comme envoyer des policiers pour défendre la tombe du soldat inconnu, alors qu'en fait personne n'attaquait la tombe du soldat inconnu. Et on a pas, je sais pas s'il faut analyser ça comme la volonté de l'État de faire une image en montrant des policiers en train de défendre quelque chose qui n'était pas attaqué. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont fait entourer par des milliers de gens qui les ont repoussés finalement dans leur ligne. Tout en se faisant gazer. Tout en se faisant gazer par leurs propres troupes pour essayer de les sauver. Mais voilà, il y a beaucoup de vidéos en ligne, vous pourrez voir, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, il y a un policier qui se fait mettre par terre. Voilà, il y a beaucoup de situations comme ça qui se sont enchaînées, beaucoup de voitures en feu, voilà, on a vu aussi, moi ce que j'ai pu observer aussi, c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que les gens qui étaient dans ce quartier de la ville de Paris, là, près des Champs-Élysées, qui sont une population assez, assez riche, on va dire, et j'ai senti le sentiment de peur, quoi. Et vraiment, ça, ils étaient à leur balcon, ils parlaient pas, ils étaient blêmes. Je pense qu'ils regardaient BFM et ils voyaient tout autour d'eux le feu et ils fermaient leurs volets. Ils avaient peur. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare de voir une situation où la peur échange de camp. C'est une belle phrase. Ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment le sentiment. J'ai vraiment le sentiment hier que la peur, elle a changé de camp, même dans les rangs de la police où on pouvait lire des articles aujourd'hui où des policiers avaient dit. On dit qu'ils n'en pouvaient plus, ils vont pas un jour de plus se mettre entre l'État et eux-mêmes, ils le disent, une insurrection, parce que là, ce qui s'est passé hier à Paris, c'est historiquement, je pense qu'il faut remonter à mai 68 pour avoir une comparaison de ce qui s'est passé. Il n'y a rien, il n'y a pas de comparaison, même en Europe, je réfléchissais, le G8 à Gênes, c'était même pas de l'attaque du G8 à Gênes, ce qui s'est passé hier, c'était... C'était incroyable ce qui s'est passé. Il l'a dit. Il n'y a pas de comparaison est faite. Non, mais après, ce qui était assez... Enfin, je rajoute un truc. Ce qui était assez incroyable hier, c'est qu'on n'était jamais sûr d'être à l'endroit le plus explosif, en fait. Parce que on a l'impression que c'était vraiment Paris sous les bombes, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, on a mis cette chanson-là. Mais c'était assez... Pour vous dire, en partant de la manifestation, alors que je pensais que tout était fini, vraiment, je pensais que tout était fini, était 20h ou quelque chose comme ça. J'ai vu des jeunes sur un Clark rouler dans une avenue parisienne, mais en dehors de tout dispositif policier. Et les policiers qui pouvaient pas quitter leur ligne, leur lançaient des grenades Gli F4, mais en plus dans des voitures, enfin de loin, quoi. C'était juste une scène absurde et incroyable, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, la dernière scène avant de partir, c'était s'éloigner des lieux et voir tous les gens en terrasse dans des endroits un peu moins craignos et entendre à l'arrière les bombes, je sais pas, les glis exploser. Ça, c'était assez incroyable. Est-ce que vous voulez rajouter des choses ou s'il est l'heure de passer l'antenne, est-ce que sur quoi on finit? Mais juste à propos de ça, il y aura du coup un article sur... sur la journée d'hier sur le site d'Alouest, relaté par des personnes qui l'ont vécu. Et si vous aussi vous avez participé à des manifestations, à des choses, n'hésitez pas à envoyer voilà, des articles, des enregistrements, enfin tout ce que vous avez envie. C'est l'idée, c'est aussi de pouvoir réunir sur le site plusieurs points de vue, plusieurs expériences. Du coup, n'hésitez pas à proposer un article. Sur Rouen ou ailleurs, ou à Paris, ou n'importe quelle autre ville, quoi. Voilà. Oui, parce que là, on parle beaucoup de Paris, mais c'est vrai que hier, en rentrant, j'écoutais la radio, je ne sais plus ce qu'il disait exactement, mais on parlait de Cognac, de Puy-en-Velay, enfin des villes sous le feu. La préfecture de Puy-en-Velay est en feu. Sous le feu, mais des villes. Même si c'est passé hier à Tourville, à Rouen, c'est quand même exceptionnel. Enfin, de 200 personnes qui arrivent à bloquer 3 week-ends de suite, juste avant Noël, pendant le Black Friday, un centre commercial qui fait des pertes, du coup, à ces sociétés-là de plusieurs millions d'euros, je pense. C'est juste incroyable, quoi. On rappelle quand même 287, je crois, interpellés, quelques 110 blessés, et on verra le nombre de voitures brûlées, l'argent que ça représente en termes de dégâts. On a hâte d'avoir tous les chiffres. En tout cas, merci à vous. Merci Radio Crochet. Merci Radio Crochet. Merci à nous. Vous l'écoutez d'ailleurs sur a-l'ouest.info. Exactement. on vous laisse avec. Enfin, on vous laisse. Non, on revient. Mais là, on met une petite chanson de transition d'Alain Souchon. Voilà. C'est bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Il y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. Déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique,